miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a nie ty będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, bo Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Dans la sainteté de Dieu et bienvenue. La sainte Kelly, il y a du bruit chez toi. Il y a du bruit de casserole chez toi. Et la sainte Kelly, ferme ton micro. C'est un accueil chaleureux du matin. Le bruit du plat. Bonjour et bienvenue. Il y a le remue-ménage chez la sainte Kelly. La sainte Saria, il y a Olivier du côté de la Chine. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère bien-aimé, bonjour les bien-aimés frères, je vous salue au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Les frères ne te disent pas amen. La sœur Kelly, il y a du bruit chez toi, ton micro est ouvert, ferme ton micro. Le couple Achille. Oui mon frère, tu cherches. Tu cherches quoi ma sœur? Je cherche à fermer, excusez-moi pour le dérangement. Je ne maîtrise pas encore. La sœur Marine France-Sophie voilà. Du 97 ouais. Boulevard Davout, bonjour et bienvenue. La sœur Ophélie, bonjour et bienvenue. Le frère Achille, le couple Achille, bonjour. Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, shalom à tout le monde. Voilà. Une voix tonitienne comme ça vous donnera une très bonne parole tout à l'heure. Madame Achille, comment tu vas? Toujours calme. Je vais bien, frère Junior. Shalom à tout le monde. Amen. Les autres bougent seulement la tête comme ça. La sœur Esther Diane, bonjour et bienvenue. Courage, ma sœur. Comment? Courage, courage, bonjour et bienvenue, courage. Merci. La pente, merci. La pente où tu montes, oui, la pente où tu montes là, c'est pas facile. Courage, vraiment, courage. Merci. On va dire là maintenant. La sœur Kétia Makoumika, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Ça va, tu as dit tout à l'heure que tu voulais sauter, tu voulais faire le saut à la corde ou quoi? Non, j'avais mal compris. La sœur Kelly, tu vas bien? Bonjour maintenant. Bonjour frère Junior, ça va par la grâce du Seigneur. Mais pourquoi il y a tant de bruit chez toi? Tu viens de les déménager? Non, c'est les enfants qui sont en bas. Je coupe mon micro. Ok, merci beaucoup. La sœur Paul Gertrude, bonjour et bienvenue dans la France, dans la sainteté. Ton micro n'est toujours pas coupé. Je ne sais pas s'il y a des personnes que je n'ai pas encore saluées. Je crois pas. Je crois. La sœur Linda Gango, l'île de Chypre. Bonjour ce matin. Bonjour Frère Junior, bonjour. Sandra Casimir également, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, vous allez bien? Je vais toujours très bien, et toi-même? Ça va, je crois que c'est chez la sœur Kelly, c'est pas fermé toujours. La sœur Emer... oui, la sœur Flora, Laura, bonjour, dans la famille Landreau, bonjour et bienvenue. Bonjour Frère Junior, bonjour à tout le monde. Voilà. La sœur Marie Fasse, ton micro est ouvert maintenant, ton micro est ouvert, tu peux dire bonjour maintenant, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour et bienvenue, merci. Voilà, ta voix est tout étudiant également. À qui est-ce qu'il n'a pas dit bonjour là? Bon, je sais, j'ai truc, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Bonjour Frère Junior, bonjour tout le monde. Comment vous allez? On va très bien par la grâce du Seigneur. Amen. La sœur Ophélie, bonjour et bienvenue. Ton micro n'est pas ouvert. Le frère Yannick, le plus baganté de Paris, bonjour et bienvenue. Non, laisse la carte grise, mon cher Yannick. On t'entend, mais d'abord, on est venu. Yannick, il y a du bon. C'est un dessert. Le frère Yannick, cette voiture automatique, même en manuel, c'est aussi bon. Ça ne consomme pas trop. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et nous, nous avons la date de crise. C'est une chance que je disais, le nombre de kilomètres. C'est Ophélie, ton micro n'est pas ouvert. Le frère Yannick, bonjour. Vous avez fini avec la voiture, le diesel, l'essence maintenant? Bonjour, frère Junior. La sœur Anne, bonjour et bienvenue. Donc, le temps que vous fixez votre micro... Frère Guy Richard, bonjour et bienvenue, toi également. Bonjour à tout le monde. Tu es éloigné de ton micro. Tu es éloigné de ton micro. Ça va toi? Sur mon moniteur, je ne vois personne de Viry Châtillon. Je ne sais pas s'ils sont connectés là-bas et qu'ils sont cachés en Christ. À Viry Châtillon, vous êtes connecté? Oui, frère, je suis là. Bonjour. Vous êtes vraiment connecté. Ah, ben voilà. Connecté et puis... caché en Christ. Bonjour et bienvenue. Donc je crois que vous avez quelques restaurations à faire au niveau des micros. Prenez juste la restauration des micros et puis on vous revient dans quelques instants. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Sœur Laetitia, bonjour et bienvenue. Shalom, bonjour mon frère, bonjour tout le monde. Tout le monde n'entend généralement pas. On n'entend pas. Non, là, je dis tout le monde n'entend pas. Bonjour. Bonjour, bonjour ma soeur, bonjour. Bonjour, shalom, shalom tout le monde, shalom et bien-aimés. Donc tout à l'heure on a entendu que la boîte à vitesse est manuelle, parce que c'est souvent dit. Merci pour l'info. Je crois que j'ai aperçu, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un là maintenant, parce que mon moniteur n'a pas tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors bonjour, la France dans la sainteté, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Qu'y a-t-il à manger dans le petit déjeuner copié du royaume? Véry Châtillon, le mari n'est pas là aujourd'hui. Oui, frère, la semaine dernière tu n'as pas répondu à ma question. Quelle était la question ma soeur? La question était par rapport au désert, parce que quand je le vois dans les écritures, après le baptême, le Seigneur a conduit certaines personnes dans le désert qui est un désert physique. Et je voulais savoir si de nos jours, ça existe encore aujourd'hui. Je n'ai pas vu dans le désert physique, mais savoir si ça existe toujours le désert. Ah, tu, là où les Africains meurent, là-bas dans le Sahara, c'est pas le désert. Tu m'entends, ma soeur? La soeur Hélène, bonjour et bienvenue. Tu es connectée maintenant. Bonjour, frère Junior. Vous allez bien? Oui, ça va, parfait. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour et bienvenue donc à la France dans la sainteté. Nous sommes ravis de vous avoir ce matin. Et puisse la communion de ce matin-ci soit fructueuse et bénir tous ceux dont là que Dieu a disposé d'écouter cette voix. Alors la sœur Julie, aujourd'hui donc, on parle donc des déserts spirituels. Il n'y a pas de désert spirituel, quoi je l'ai dit la semaine dernière. Il y a le désert tout simplement. Et j'avais posé la question, je vais prendre des cas spécifiques pour savoir si à l'issue de leur appel, ils ont été appelés au désert. Est-ce que l'apôtre Pierre avait été appelé au désert à l'issue de son appel? J'ai posé la question la semaine dernière et je repose cette question aujourd'hui. Non, il n'a pas été répondu. Est-ce que l'évangéliste Timothée, lui, il a été appelé dans le désert? Non. Voilà. Donc, de façon spécifique, lorsque Dieu le fait pour des gens, ça veut pas dire que tous les appels sont liés à l'appel dans le désert. Vous avez remarqué que s'il y a des gens qui ont été appelés et aller dans le désert, c'est pour que Dieu puisse travailler quelque chose et leur donner des messages avec lesquels ils vont revenir. Ce n'est pas automatique qu'il y a le désert. Mais la sœur Hélène, il y a des difficultés chez toi avec le souci avec ton micro. Donc, soit tu fermes le micro avant de faire du bruit. Non, j'arrive pas. Je crois qu'il faut vous donner un coup de micro maintenant. Comment on ferme le micro? Le frère, Achille, tu peux nous donner un coup de micro? Mon frère, je clique dessus, mais j'ai des difficultés. Mon écran, ça me dérange, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de recommencer. Courage. Donc, travaillons rapidement avant qu'on ne nous coupe la lumière ici. Oui, Jean. Oui. Oui, la semaine dernière, quand on a fini l'enseignement, et sinon on a un peu discuté, le frère Christian de Pierre avec moi, et nous avons un peu discuté sur la Genèse 1 et 2, là. On a beaucoup discuté là-dessus. Oui. Bon, on avait décidé de remettre ça en sujet de prière. Il y a du bruit, je ne sais pas chez qui il y a du bruit, je ne sais pas si c'est à Véry Châtillon ou bien chez toi. C'est moi qui ai le bruit ici, les enfants vont se calmer un peu. Oui. Donc, je disais que nous avons un peu réfléchi sur ça, mais on a décidé de mettre ça en prière durant le courant de la semaine. Mais en fait, c'était quoi l'objet de l'échange? C'était, en fait, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Deux points, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. En fait, c'est ce qu'on discutait, c'était que la terre, avant qu'elle ait été créée, elle était parfaite. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a transformé la terre, en quelque chose d'informe et vide. Et justement, moi, je disais que, quittant du commencement où Dieu crée les cieux et la terre et la transformation, il y a quelque chose qui s'est passé. Exact. C'est pour ça qu'après, on disait, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, il y a l'abîme. Et puis, au-dessus de l'abîme, il y a les ténèbres. Et maintenant, le reste, c'est les eaux. Et puis, l'Esprit de Dieu se meurt au-dessus des eaux. Mais justement, n'arrive pas à trouver des versets bibliques ou quoi que ce soit pour expliquer. Parce que moi, je pense que c'est peut-être durant cet espace-là qu'il y a eu l'échange avec les anges déchus qui ont été chassés des cieux et autres. Donc, c'est là où on s'est arrêté, en fait. Le problème des anges déchus qui ont été chassés de ceux se passe longtemps avant cela, avant ce que l'événement que tu viens de voir là-bas. Donc ça veut dire que c'est à l'issue du fait qu'ils soient chassés, qu'ils ont régné sur la terre. Il y a du bruit chez la sœur. Je crois que la sœur Hélène, si tu as du mal à cliquer là-dessus, c'est soit tu redémarres ton téléphone carrément, ça va te reconnecter véritablement. Redémarre ton téléphone si tu viens de m'entendre. Redémarre ton téléphone. Ça va te permettre de quitter le forum, puis revenir maintenant de plus belle. Et là, ton téléphone sera stable. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, on va aller doucement le temps que tu puisses avoir. Alors, le frère Guérichat, tu es là, tu es connecté, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous lisez bien de la Bible, comme tu en as dit dans le livre de Genèse, là, effectivement, il y a eu le règne des ténèbres sur la terre avant que Dieu ne commence à faire des choses. C'est-à-dire que l'exclusion de Lucifer et de tous ses acolytes dans les cieux, c'est longtemps avant cela. Donc, ça veut dire que ce n'est pas avant, pendant... Et autre chose que vous devez savoir maintenant, c'est que les événements des Genèse sont sur plusieurs années. Est-ce qu'on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres régnaient sur la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Ce que vous appelez abîme. Regardez, remarquez, il y a du bruit chez quelqu'un. Bon, de toute façon, les ténèbres ont régné longtemps avant que Dieu ne commence à la répartition sur la terre. Et ça veut dire qu'ils ont été exclus longtemps avant cela. D'accord, mon frère. Donc, vous avez vu juste. C'est exactement ce qui est écrit. Le frère Yannick, bonjour et bienvenue dans la conversation ce matin dans la France, dans la sainteté. Bonjour. Aïe, aïe. Bonjour, shalom à tous. Voilà. Bonjour, les frères et sœurs. Les frères et sœurs ont les bouches fermées. T'inquiète pas, mais ils ont pas. Shalom, shalom. Il ne dit jamais bonjour. Shalom les frères, soyez bénis. Il ne dit jamais bonjour, Jean. Amen. La sœur Natou Chantal, pas Chantal. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Amen, toi aussi, mon frère. Mais la connexion n'est pas stable là. C'est la chaîne Laetitia. Autre question, mon frère. Le frère H, c'est bon? Oui, c'est bon, en fait, ça explique justement en partie ce qu'on comprenait, mais justement, est-ce qu'on nous donne dans la Bible ce qui s'est passé justement entre le verset 1 et le verset 2? Ça se trouve en plein dans la Bible. Si tu lis le prophète Ézéchiel, ça se trouve là-bas, le prophète Jérémie, le prophète, et on va y revenir dans cet enseignement-là particulièrement. Tu lis le prophète Ézéchiel particulièrement, le prophète Ésaïe, ça se trouve là-bas. D'accord? Ok, Ézéchiel. Si vous lisez particulièrement le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14, vous allez remarquer effectivement à partir du verset 12 où il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur, le dominateur. Si vous avez vainqueur dans votre Bible, écrivez dominateur, le dominateur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai sur le sommet des murs, je m'assierai à l'extrémité des septentrions. Vous voyez que l'extrémité des septentrions, ce n'est pas sur la terre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors je m'assure au montagne, à la nuit, il voulait dominer sur les fils des dieux, sur les anges. Il dit que les étoiles du ciel. Mais tu as été précipité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que quelque chose s'est passé. Cette convoitise-là, où il devait s'asseoir à l'extrémité septentrionale, n'avait rien à voir sur Adam et Ève, ainsi de suite. Donc souvenez-vous que ce n'est pas à cause du péché d'Adam et Ève, le fait qu'il a fait cela, qu'ils ont péché dans le jardin. Que non, ce n'est pas là-bas dans le jardin que Satan a chuté. Ce n'est pas là-bas, c'est longtemps avant. Voilà. J'espère que tout le monde vous me suivez, n'est-ce pas? Parfaitement, frère. Donc, prenons le temps de lire le livre du prophète Ézéchiel, également, chapitre 28 jusqu'au 32. Vous allez vous aurez bien mangé de ce côté-là. Et puis, vous prenez également l'événement qui est écrit. Oh, mon Dieu. Allons-y donc maintenant. Apocalypse, chapitre 12. Prenez Apocalypse, chapitre 12. Voyons un événement. Préparez les questions. Le frère Guérichat, ton micro ouvert. Bonjour et parle-moi maintenant. Et l'école va bien? Le frère Pierre Moa, bonjour et bienvenue. Tu es connecté maintenant dans la France, dans la sainteté. Toi également, bonjour et bienvenue. Décidément, peut-être il y a le froid en France au point où les gens n'ouvrent pas la bouche ce matin. C'est plutôt la chaleur, frère. C'est la chaleur? Oui, c'est déjà chaud là. Comment expliquer donc que j'ai dit bonjour aux gens? Les gens ne veulent pas répondre. Explique-toi la Virie Châtillon. Je ne sais pas faire. On n'a pas de bruit, le micro comme ça. Donc c'est pour ça que tu as fermé ton micro alors. Apocalypse chapitre 12. Le micro du frère Guy Richard est ouvert. Je lui dis bonjour, il ne me répond pas. Non, ça me fait rire. Frère Pierre, bonjour, je te vois là-bas calmement assis sur ton trône. Bonjour et bienvenue. Ton micro n'est pas ouvert cette fois-ci. Bonjour Frère Junior, bonjour à tous. Voilà, tous ne vont pas répondre, ne t'inquiète pas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Frère Junior. Oui, c'est qui? C'est Yannick? Oui, c'est moi. Dis-moi. Oui, frère, sauf, il me vient à l'esprit un truc là. Il me semble que tu avais dit, que pour ceux qui rêvent du même endroit. Oui, oui. Tu allais leur, répétition des rêves dans un lien. C'est l'erreur de ma part. Oui. Tu avais dit qu'on allait, tu allais, faire un truc par rapport, quoi, tu allais. Oui. C'est au cas. Oui, c'est au cas par cas, parce que les rêves. La sœur Hélène... Nous étions dans ce cas. Bon, chacun a son cas. Dans ce cas par cas, on va voir cela. Donc, j'avais dit que les gens écrivent tout simplement dans le forum pour dire ce que... Comme ça, vous allez les prendre un à un. La sœur Nafista, bonjour et bienvenue. J'ai près de 19 personnes connectées ici et 4 personnes qui me disent bonjour. La sœur Flora, bonjour et bienvenue. Bon, je crois que le bonjour des gens, c'est vraiment cher. Bonjour, frère Junior. Ben voilà, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Monsieur Landreau, il est au travail? Non, il est là. Mais dis-lui bonjour, on l'entend, il ne veut pas parler. Comment? Bonjour, monsieur Landreau. Non, il s'occupe des enfants. Non, c'est le changement de rôle à la maison aujourd'hui alors. Oui. Il faut souvent le féliciter, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas se dire quand il y aura problème, avant qu'on dise que non, il dérange. Alors que quand il s'occupe des enfants, on ne dit pas félicitations, chérie. D'accord. D'accord, Frère. Comment tu vas ce matin? Toi-même, tu vas ce matin, comment? Bonjour, Frère Junior. Bonjour. C'est qui? Il ne voit pas la personne sur mon écran. Ça, c'est chez la sœur Anne. Ça, cette voix-là sort de chez la sœur Anne. C'est comment? C'est là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est là. C'est voilà. Marie Alain. Ah, bonjour. Comment tu vas? C'est quand même curieux. Je vois plus de 19 personnes connectées, mais je vois seulement 8 personnes sur mon écran. La sœur Paul, tu es toujours connecté, n'est-ce pas? Bonjour, oui, frère Junior. Okay. Bonjour à tout le monde. Voilà. La sœur Linda est aussi là. Alors, le frère Achille, lis-nous alors le chapitre 12 d'Apocalypse. Si vous venez de nous rejoindre, nous venons de commencer dans la France, dans la sainteté, que Dieu vous bénisse. Donc, pour ce qui est des rêves, là, on va prendre les gens en offre. Ceux qui ont des rêves, ils s'écrivent tout simplement comme ça, je vais les contacter. Ok, et Apocalypse 12, à partir de quel verset 7? À partir du verset 1, prenons-y. 1. Okay. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et ses têtes 7 diadèmes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui qui doit paître toutes les nations avait une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien appelé le diable et le Satan, celui qui séduit toutes les nations. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Merci frère. Ils l'ont vécu. Merci. Merci. Maintenant, nous sommes au chapitre 12. Gardez-vous à l'esprit ce qu'on veut dire là maintenant concernant le combat qui a eu lieu entre les anges et Lucifer. Maintenant, vérifiez maintenant le chapitre 11 d'Apocalypse. Lisez le verset 15 et 16. On va voir ce qui est écrit. Apocalypse 11, du verset 15 et le verset 16. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. » Verset 17 enfin. Ils adoraient Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Voilà. Donc vous voyez effectivement que, si vous voyez le combat qui a eu lieu, le combat qui a eu lieu entre les anges, entre Michel et ses anges, et puis Lucifer et ses anges, dans le ciel, n'est pas encore arrivé. Savez-vous cela? N'est-ce pas, frère Pierre? Ce que nous sommes ici en train de lire dans le verset 7 et suivant de l'Apocalypse, il est écrit au verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Mais ils ne furent pas ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Écoutez bien, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et les anges et ses anges furent précipités avec la sœur Roselyne. Droïde, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Voilà. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la pensée de la sainteté ce matin. Toi de même, mon frère. Amen. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Alors maintenant, écoutez très attentivement. Verset 10 dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. » Donc on voit effectivement que lorsque Lucifer et ses anges sont précipités, on proclame que le salut est arrivé. Vous vous souvenez de 1 Corinthiens au chapitre 15, puis des psaumes 110 et des Matthieu. Je crois qu'il va être trouvé de là maintenant. Donc, le psaume lisait le Matthieu chapitre 22. Matthieu, juste à nous dire, Matthieu chapitre 22. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Dans Matthieu chapitre 22, où le Seigneur Jésus pose la question aux Sadducéens et aux Pharisiens de qui le Messie est-il fils? Ils vont dire de David. Et puis il va leur rétorquer en disant, dans ces cas, comment David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur s'il est son fils? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit, et le Seigneur dans ce passage-là cite le livre du psaume 110, où il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. Vous voyez qu'il va faire, pour qu'il fasse les ennemis le marche-pied. Or, la Bible déclare que la terre, quoi, le ciel est son trône et la terre son marche-pied. Donc, il va falloir que Satan soit précipité exactement sur le marche-pied. Donc, ça veut dire que le Seigneur va régner jusqu'à ce que les ennemis soient précipités sur la terre. C'est terrible, il y a des bruits quelque part là. Je crois que c'est chez la sœur Roselyne. Ton micro est ouvert, je vois son micro. Vous me suivez avec ces bruits-là? Vous pouvez venir me suivre? C'est saccadé une phrase. La sœur Roselyne, si tu nous écoutes, coupez le micro. Comment? Je crois, coupez le micro, coupez le micro. C'est chez moi qui a ce bruit? Oui. Oh là là. Alors là, on va faire là. Je crois que le frère Achille, le frère Pierre et autres, le frère Yannick doivent donner les cours de micro là ici en offre avant le dimanche pour qu'on n'ait pas à perdre le temps dans ces mêmes interventions du micro. Il faut bien expliquer comment faire lorsqu'on se connecte. Regarde comment la sœur est calme là-bas comme la femme du pape. Vous voyez? Donc ça dit que là, elle n'a pas de problème. Veuillez arranger le micro et puis on va y revenir. Arrangez d'abord bien vos micros et on y revient. Merci Seigneur. Thank you. la sainteté, rebonjour. J'espère que les bruits et les micros maintenant sont bien réglés maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, d'après ce que nous voyons dans ce livre d'Apocalypse, au chapitre 12, nous voyons que non seulement les anges avec Satan ont été précipités sur la terre, mais aussi on introduit, on dit là, dans ce moment-là, justement, que c'est le moment où le salut est arrivé. Apocalypse chapitre 12, donc, à partir du verset 7, on voit effectivement que la chute et l'expulsion. Thank you. La France dans la sainteté, rebonjour. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, Frère Junior, bonjour, shalom à tous. Je crois que shalom. Je crois que cette fois-ci, ça sera la bonne. Notre frère Olivier de la Chine, il est là, je ne le vois pas sur notre moniteur. Est-ce que tu es là, frère Olivier? C'est cela, bien aimé frère. Mais comment je ne parle pas ta voix sur mon moniteur? Toi, tu vois les frères qui sont affichés là? Oui, je vois certains frères. Mmh. Pas tous. Mais ça bug apparemment, la connexion. Oui. Ok. Chez la soeur, elle est le trio. Bonjour et bienvenue. Voilà, elles ont décidé de saluer maintenant que, parce que si elles ouvrent le micro, c'est grave. Bonjour, Père Junior. Bonjour. Bonjour, la famille. Bonjour. Voilà. Je crois que si c'est stable maintenant, on peut bien travailler maintenant, n'est-ce pas? Alors le frère Yannick, tu es là? Oui, oui, frère, je suis là. Le frère Achille, vous êtes là? Je suis là, frère, je suis là. Donc on peut continuer, n'est-ce pas, avec notre Apocalypse chapitre 12. Effectivement. Donc dans ce Apocalypse chapitre 12, si vous relisez effectivement bien, vous allez remarquer que cette partie de l'écriture n'est pas encore accomplie. Prenez donc Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32. Vous notez le verset 9. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsqu'il quittait la scène dans Jean chapitre 14, le verset 30, il a dit, je m'en vais, le prince de ce monde arrive. Lorsqu'il est parti, le prince du monde n'est pas arrivé par suite des bagarres en haut. Non. Il s'installe. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants qui ont dit dans les lieux célestes. Donc, Dans les lieux célestes se trouvent donc les différentes catégories, les quartiers généraux des démons de Lucifer subdivisés en différentes catégories, tel qu'on voit dans Éphésiens chapitre 6. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, la Bible parle du prince de la puissance de l'air, de cet esprit donc qui agit maintenant sur les fils de la rébellion, parmi lesquels nous étions aussi membres de tous ceux là qui agit maintenant. Et au chapitre 3 de ce même Éphésiens, au verset 10, la Bible déclare que le Seigneur a déversé sa sagesse dans l'Église afin que les dominations dans les lieux célestes connaissent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans Colossiens, au chapitre 2, verset 10 et suivant, la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ comme étant le chef de toute autorité, de toute domination. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est le chef au-dessus de tout cela. Mais ce qui ressort dans Apocalypse, chapitre 12, c'est que la guerre qui a eu lieu au ciel, où Satan a été précipité. On dit donc dans ce livre d'Apocalypse, au chapitre 12, qu'il a été précipité sur la terre. Donc si vous regardez le verset 18, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Donc à ce moment-ci précisément, on voit que le Seigneur prend possession de l'univers, il prend possession de son règne, il entre dans l'exécution finale du jugement de Lucifer. Et la Bible déclare. La Bible déclare, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. La Bible déclare au verset 2. quelqu'un a son micro ouvert. C'est la sœur Roselyne. Son micro est ouvert là-bas, il y a du bruit chez elle. La Bible déclare au verset 11 du chapitre 12 d'Apocalypse, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Puis au verset 12, écoutez très attentivement le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Puis on dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc vous voyez que quand ceci se réalise, Satan, c'est les derniers soubresauts de Satan. Mais pourtant maintenant, dans Jean chapitre 5, si vous lisez 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible déclare que nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ça veut dire que Apocalypse chapitre 12 n'a pas été encore accompli. Et donc si vous lisez 2 Thessaloniciens au chapitre 2, la Bible déclare que vous savez ce qu'il attend afin qu'il essaie de se manifester quand son temps. Donc quand l'église monte dans l'enlèvement, à cet instant-là, il doit descendre forcément. Il doit descendre pour prendre possession de la terre et faire les derniers soubresauts, sachant qu'il y a un temps fixé rapidement pour lui. C'est durant ces années de tribulation et autres là-bas où le Seigneur va le traiter. Donc en clair, il faut quand on lit la Bible, il faut qu'on fasse attention, sinon on va voir des choses, on va voir certaines choses qui ne sont pas arrivées, en prenant certaines choses qui ne sont pas arrivées comme si elles étaient déjà arrivées. Amen. J'espère que vous m'entendez. Amen, frère. Voilà. Ouf, il a fallu du temps pour qu'on finisse cette boule de questions. Amen. Je suis là avec vous maintenant pour votre question. Amen. Des questions? Oui, frère Julien, j'ai une question. Oui, la sœur Laetitia. Oui, c'est Laetitia, la sœur Laetitia. En fait, je ne sais pas si dans un de tes enseignements, tu as déjà répondu. Je cherche le passage. En fait, la différence entre... j'ai eu une confusion dernièrement avec un frère qui m'expliquait que dans Apocalypse, parce que je demandais la différence entre la mort et le séjour des morts, et on m'a fait comprendre que la mort, c'est toujours l'esprit de Jézabel. Et je n'arrivais pas du tout à comprendre en fait le lien. Je ne sais pas si tu peux m'éclaircir là-dessus. Bon, donc tu l'as laissé là-bas à distance, tu m'as posé la question. Où est-ce que c'est écrit que la mort, c'est l'esprit de Jézabel alors? Donc c'est à moi que tu viens me poser la question que la mort est l'esprit de Jésus. Vous voyez le problème ce matin dans la France, dans la sainteté que Laetitia nous cause, non? Elle a seule Laetitia, y a-t-il un verset qui dit que la mort c'est un esprit, n'est-ce pas? La Bible déclare que c'est la mort, c'est un esprit avec un gros ventre. Son ventre est tellement gros où il engloutit les gens. Donc c'est un style d'esprit qui est gigantesque avec son gros ventre. D'accord, frère? D'accord, ma soeur? Oui, et le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les morts séjournent. D'accord. C'est la demeure des morts, là où ils partent. Oui, mon frère Yannick, tu veux parler? Frère Junior. Ah oui, frère. Oui, c'est le frère Olivier de la Chine. Comme la Chine est tellement éloignée, je crois que son image est éloignée de mon écran à cause de cela. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, le frère Olivier, si tu nous écoutes. C'était ça. Oui, j'ai une question là. Oui, mon frère. Bon, ma question, c'est de savoir. Bon, je cherche le verset, c'est dans Job, mais je n'arrive pas encore à me retrouver. Donc, je vais poser. Je crois que la question est, c'est par rapport à la vision nocturne. Oui. Et je n'arrive pas à faire la part des choses entre vision nocturne et rêve. Oui. Je voudrais un peu d'éclaircissement. Ok. Ouvre d'abord le chapitre 33 de Job au verset 14. C'est là-bas où tu veux parler. Oui. C'est ça. Hein. Lis alors, mon frère. Lis verset 14, 15 à 18. Je vais lire avec ma version pour français courant. Mmh. Job 33, verset 14, 15. Oui. 14, 15, 16. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne. Quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit, il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements, il veut les éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Amen. Je crois que quelqu'un d'autre, son français courant là, nous a amené dans le courant d'eau. Je crois que quelqu'un d'autre ferait mieux de lire dans une autre version. Alors maintenant, frère Yannick, tu peux nous lire alors? Oui. Donc, Job 33, verset 14, dit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des loups du glaive. Amen. Écoute. Lisons le chapitre 4, verset 13 du même livre de Job. Après, on va au chapitre 7, verset 14 et 15. Verset 13 et 14. Job 4. Laisse ta version, mon frère. On va lire dans la version, lui, seconde ici. Okay. Voilà. Job chapitre 4, verset 12 et 13. Versets 12 et 13. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Voilà. Chapitre 7 maintenant. Versets 13 et 14. Chapitre 7. J'espère que tout le monde les suit. Oui. Alors, quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Voilà. Quand je voudrais être... C'est bon? C'est bon, mon frère, c'est bon. J'espère que vous en avez lu et vous en avez prendre note. Allons dans le livre du prophète Jérémie. Frère Cyril, frère Olivier, je veux qu'on lise tout ceci avant que tu poses la question, parce que c'est intéressant, très intéressant, d'accord? Jérémie, chapitre 14, verset 14. Et l'Éternel me dit: selon un songe que je prophétise en mon nom, les prophètes, je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent: Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Voilà. Et c'est à qui? C'est bon, mon frère, c'est bon. Allons au chapitre 23. Le verset 16. Verset 16. Oui. sommes à la page lit. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Voilà. Ils disent... C'est bon, mon frère, c'est bon. J'espère que vous en avez parlé et de nous noter. Dans Lamentation chapitre 2, le verset 14 également. Lamentation chapitre 2, verset 14. Chaque fois que vous en avez lire, gardez les mots qui sont trouvés. Parce qu'après cela, on va faire la synthèse maintenant. Alors, vous entendez quelqu'un dire que j'ai eu une vision, l'autre j'ai eu un rêve, l'autre j'ai eu un songe, l'autre j'ai eu un cauchemar. Le cauchemar, c'est quand on poursuit quelqu'un, quand le pauvre est mort. Là, maintenant, c'est le cauchemar. Ou bien quand on voit que c'était le... On veut tomber dans le trou, on a de nous pousser sur le montant, on dit que... Ah, on se lève avec la sueur partout ce soir. Et puis on dit maintenant que ça, c'était le cauchemar. Le cauchemar, c'est quand c'est mauvais. Chapitre 2 de Lamentation, verset 14 seulement. Il est écrit, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Voilà. Et cette même chose-là, c'est ça qui va amener la quoi? La destruction sur Israël avec ses desseins et tout, c'est surtout sa corolle. Dieu nous présente ici que les gens peuvent avoir des visions, véritablement, mais les visions ne viennent pas de lui. La preuve, vous avez des gens qui ont eu des visions de Marie, qui ont eu des visions de Jésus, qui ont apparu au mur, qui ont eu des visions de Lourdes et autres, des révélations qui ont produit certains endroits spirituels ou spirituels, spiritiques sur la terre, mais qui ne viennent pas de Dieu. Donc, sur cette base, on comprend effectivement que Satan peut produire des visions. Lorsque vous voyez Ézéchiel au chapitre... Alors, puisque nous sommes tous à côté, allons-y au chapitre d'Ézéchiel. Vous y êtes. Chapitre 13, verset 7. Chapitre 13, versets 7 et 8 d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 13, 7 et 8. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. C'est pour Pourquoi ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et vous et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Et puis il dit que sa main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines. Or, ces prophètes-là ne fabriquent pas les visions leur viennent. C'est ça le vrai problème. Ils ont des visions, ils voient des choses. Alors la question c'est, ça vient de qui? Il dit ça, c'est vain et mensonger. Mais maintenant, regarde, allons au chapitre, sur le même livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. Regardez comment Ézéchiel arrive. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Voilà. Donc, on dit que il dit que la main du Seigneur était sur lui et il vit les visions divines. Gardez voir l'esprit maintenant ce qui va arriver. Lisons le chapitre 8, verset 3. Chapitre 8, verset 3. Oui. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure. Voilà. Du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Amen. Donc nous voyons qu'ici, le prophète Ézéchiel est assis avec les anciens qui étaient venus lui rendre visite dans la maison. Et la Bible déclare que Dieu a étendu cette forme de main-là et le transportant, le saisit par les cheveux et le transportant dans les visions nocturnes, dans les visions divines à Jérusalem. Dieu se trouve là, si vous regardez très, très attentivement, à partir du verset 1 du chapitre 8, vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez moi, frère? Oui. Donc, le prophète Ézéchiel, nous voyons ici que la vision qu'Ézéchiel a ne se trouve pas en étant dans son état de sommeil. Prenons à partir du verset 1, juste avant d'arriver à ce verset-là. Allons-y, nous sommes au verset 3. Lisons le verset 1 et 2 maintenant. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Josaquin. La parole de l'Éternel, c'est bien ça? C'est ça, lis chapitre 8, verset 1 et 2. Ah, chapitre 8. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Ça, on y a dit. Voilà. Alors maintenant, je voulais effectivement que nous prenions à partir de ce verset pour pouvoir comprendre qu'ici, Ézéchiel n'est pas en train de dormir. Les anciens étaient venus s'enquérir de certaines situations d'ordre spirituel. Il s'est tenu là et puis la vision est arrivée. Il a vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ se présenter là-bas. Et de son trône, il a tendu sa main, saisi par les cheveux, le transporta dans les visions nocturnes. Et là, il se trouve dans un pays étranger et il va se retrouver à Jérusalem en plein état d'éveil. Ça veut dire qu'ils sont en train de causer physiquement, comme vous et moi, on est en train de causer maintenant. Et en ce même moment, il est dans les visions. Alors, la vision comprend pour les prophètes, la vision connote directement un état spirituel d'éveil. Ça veut dire qu'en clair, si vous regardez très attentivement dans la Bible, vous allez remarquer que le prophète ne dort pas. Mais l'homme peut dormir et avoir des songes. Mais le prophète dort et debout, ou bien il ne dort pas du tout, il a les visions. C'est-à-dire que ce soit dans le songe de la nuit, parce que les visions sont incluses généralement dans les songes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le songe, c'est quand il dort. Mais quand il a ça de façon claire, c'est les visions. Mais il y a des visions incluses dans le songe, comme on va voir avec le prophète Daniel maintenant. Ici, nous voyons que le prophète Ézéchiel ne dort pas. Il le voit, on le transporte dans, il appelle cela les visions divines. C'est vrai qu'on le transporte à ce que ses yeux du cœur, l'homme intérieur, puisse visualiser les choses que Dieu veut. Exactement. Allons dans le livre de Daniel. Maintenant, on va parcourir Daniel. Vous allez voir maintenant la chose. Chaque fois quand vous allez voir des choses écrites maintenant notées, quand vous allez voir vision et son apparaître dans un verset, essayez de voir ce qu'il en est. Les visions concernent l'esprit. En ce qui concerne les prophètes, leur constitution de l'esprit est faite de telle enseigne qu'ils soient à l'état d'éveil. Donc à tout moment, ils peuvent entrer en contact avec le monde spirituel. À tout moment. Voilà. Je crois que je me suis fait bien comprendre. Daniel. Amen. Donc, le commun des mortels, pour qu'ils puissent voir quelque chose, il faut que leur subconscient, leur corps conscient, la partie consciente de leur être, puisse se coucher et être inerte afin que le subconscient entre en action. Alors que pour le prophète, ce n'est pas le cas. Le prophète, vous pouvez entrer de causer avec le prophète, un mot seulement déclenche des visions. Je ne sais pas si vous saisissez ici. Un événement seulement déclenche des visions. Ah, mon frère Olivier. C'est vrai. Ok. Chapitre 1 de Daniel. Vous y êtes? On va aller progressivement dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, verset 17. Lisons le verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les sons. Donc, vous voyez effectivement que le Saint-Esprit dit ici clairement que Daniel explique quoi et quoi? Les visions et les songes. Donc, ça veut dire qu'il y a les visions qui sont différentes des songes, n'est-ce pas, frère? Songes. Oui. Alors, au chapitre 2. Chapitre 2, verset 28. Chapitre 2. 2, verset 28. Oui. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc nous voyons effectivement, il dit, le prophète Daniel explique ici, parlant ici à Nebuchadnezzar, lui parle, il est venu donner la révélation de ce qui est arrivé parce qu'il avait, Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et il avait oublié totalement, non seulement le son, et n'en parlons même pas de l'explication. Et là, il a demandé à Hajor, le chef des rois, de tuer tous les sages de Babylone, puisque aucune personne ne pouvait pas lui donner les explications. Daniel a pris sur lui d'aller demander à Dieu de révéler ce qui se passe. Et là, il dit maintenant, il dit qu'il y a un Dieu qui, dans les cieux, révèle les songes et les secrets. Il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et puis, Daniel dit, voici ton songe et les visions. Ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc, vous voyez que ici, les visions sont contenues dans le songe qu'il est en train de faire. Donc, la vision ici, maintenant, se réfère à la volonté de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu. Comme on a dit dans ce dernier chapitre, Jérémie chapitre 33, verset 14, que quand l'homme est plongé dans la cour, il met le sceau à son instruction. C'est-à-dire que c'est le cachet de Dieu qu'il met dans les rêves. C'est ce qu'on appelle les visions, quand il s'agit des rêves. D'accord? Quand il s'agit du fait du moment où l'homme est en train de dormir. C'est ce que Dieu veut communiquer pendant que tu es en train de dormir et que tu rêves. C'est ce qu'on appelle vision. Or, pour le prophète, qu'il dorme, comme le prophète Daniel par exemple, il dort avant d'avoir les songes, alors que Daniel, Joseph peut voir les songes subitement. Le prophète Ézéchiel, comme vous venez de lire là, voit des visions sans avoir besoin de passer par le sommeil. Nous savons ce que vous saisissez. Oui. Voilà. Maintenant, continuons au chapitre 4, verset 5 de Daniel toujours. Que le Seigneur vous bénisse. La sainteté, France dans la sainteté. Amen. Amen. Amen. Amen. Chapitre 4, verset 5 de Daniel toujours. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Donc vous voyez que les songes sont du niveau de la pensée, mais les visions sont du niveau de l'esprit. Parce que les pensées et l'esprit sont deux choses différentes. Deux parties de l'être différemment. Parce que les visions concernent l'esprit. Remarquez que quand le prophète Ézéchiel est tenu là-bas devant les anciens qui sont venus vers lui pour le consulter, la Bible déclare, il dit dans ce verset 3 du chapitre 8 d'Ézéchiel que nous avons lu, il dit qu'il est tendu une forme de main et il me saisit par les cheveux. Or, il est assis là-bas. Ah mon Dieu, la femme dans la sainteté, que Dieu bénisse. Alors, il a étendu la main, il a saisi par les cheveux et le transporta dans les visions divines à Jérusalem. Maintenant, quand il le saisit par le cheveu, le corps physique est toujours là, mais il sent comment on a saisi par les cheveux. Donc, même son corps spirituel a les cheveux. La partie de lui qui est à l'intérieur qu'on a transporté à Jérusalem, il sent qu'on l'a saisi au niveau des cheveux. Mais physiquement, il est encore assis là devant eux, il a de les regarder devant eux. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 4, verset 9 et 10. Non, verset 9 jusqu'à 13. Bel 4, 9, 13, 9 à 13. Oui. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, j'ai regardé, et voici, il y avait un milieu. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités. De toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Amen. Donc vous voyez une fois de plus, au verset 9, il dit, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Vous comprenez cela? Donc, dans cette vision, dans ce songe, il comprend que Dieu a mis le sceau dans les instructions, dans ce songe-là. Et c'est ce qui est contenu dans le songe qu'on appelle vision. Donc, la vision n'est pas l'état, tout ce qu'on voit à l'intérieur des songes, quand on rêve. C'est pas ça l'entière question. Les visions sont le message contenu dans le songe. Je ne sais pas si vous me saisissez que la phrase dans la sainteté. Amen. Voilà. Chapitre 9, oui, frère. Voilà. Et souvenez-vous, les visions concernent les... C'est pour cela que quand les gens ont des visions, même si Dieu, n'importe combien d'années, ça ne quitte pas leur esprit. C'est les visions, ce sont des messages de Dieu qui met le sceau. Quand il met, c'est un cachet qu'il met, ça ne quitte pas ton esprit. Parce que c'est dans ton intelligence, si c'est dans ton intelligence ou bien dans ton cerveau, vous avez un traumatisme crânien, ça va quitter. Quelque chose peut arriver par suite de n'importe quoi, vous oubliez. Mais ce qui est dans votre intellect, dans votre esprit, vous ne pouvez pas effacer cela. Vous ne pouvez pas effacer. Alors, chapitre 7. Verset 1. Je crois qu'on va quitter le livre de Daniel là maintenant. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrit le songe et raconta les principales choses. Voilà. Pour le prophète Amos va tellement. Amos est considéré dans la Bible comme le prophète à vision. Parce que si vous regardez au chapitre 7 d'Amos, verset 12, Amatsia l'appelle homme à vision en le chassant du pays. Parce qu'il avait tellement de visions que ses visions effrayaient seulement les gens. Dans le livre de Joël au chapitre 2, le verset 28. Le Seigneur a promis qu'après cela, il répandra son esprit sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront. Nos vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Donc, vous voyez, ce qui concerne les vieillards est différent de ce qui concerne les jeunes gens. Vous avez remarqué dans ce livre de Joël, chapitre 2, verset 28, n'est-ce pas? On dit deux choses pour les gens. Donc, on dit les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Donc Dieu s'engage à utiliser les gens dans les visions. Donc ça veut dire que la clarté du message sera donnée dans leur esprit. Alors que les vieillards, comme ils sont fatigués, seront couchés et puis Dieu va leur parler dans les songes. Vous pouvez également lire cela dans le livre de Michée chapitre 3, le verset 6. D'accord? Mm-hmm. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament. Maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur. On peut y aller dans le Nouveau Testament? Oui. Actes des Apôtres. Oui. Chapitre 1, Actes des Apôtres. Chapitre 16. Mm-hmm. Verset 4 à 10. Allô? Oui, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 4 à 10. Lisez. Oui. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient et entraient en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne les leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas pendant la nuit jusqu'à 8, n'est-ce pas? Jusqu'à 10. Jusqu'à 13. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant parti de Troas, C'est bon. Donc nous voyons effectivement ici que la vision a été donnée à l'apôtre pour le diriger à descendre à Philippe où il va aller maintenant voir. Ils ont vu un Macédonien. Maintenant, vous voyez effectivement, on dit pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien qui est apparu en songe à l'apôtre Paul. Il lui a dit que passe en Macédoine et secoue-nous. Au chapitre 28 des Actes des Apôtres, la même chose va se produire lorsque le bateau va commencer à vouloir chavirer. L'ange va venir, il va voir cette vision-là dans la nuit. Maintenant, nous voyons que. Et il y a des personnes même aujourd'hui maintenant que dans leur assemblée ils ne veulent pas avoir les visions parce que ça crée tellement de confusion. En effet, dans le livre des Colossiens chapitre 2 le verset 18, si vous lisez Colossiens chapitre 2 verset 18, il est écrit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc on voit effectivement que ces choses, font l'état, c'est que les gens ont peur des visions parce que finalement on ne sait plus à quel moment la vision vient de Dieu et autres. Mais le discernement des esprits est nécessaire pour qu'on vive dans cette étape de l'époque de la fin. Parce qu'en réalité, les visions fausses et vraies ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas maintenant. Dans l'Ancien Testament, on a vu dans le livre des prophètes Ézéchiel comment il parlait, et dans Jérémie, comment il parlait des prophètes qui prophétisaient les vaines visions de leur cœur. Maintenant, les gens ne comprenant pas qu'il faut aller véritablement devant le Seigneur dans la sainteté pour que Dieu donne ce qu'il a promis, comme on a vu dans ces jours, chapitre 2, des choses claires pour l'Église, pour distinguer le vrai du faux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent tout en bloc, tout simplement. Il y a des gens qui disent clairement qu'il n'y a plus de vision aujourd'hui. Donc, ça veut dire que Dieu a cessé de donner les visions, de donner les songes. Pourtant, quand vous lisez l'Église, l'histoire de l'Église, même depuis la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on voit que les gens étaient conduits par la vision et jusqu'aujourd'hui, on voit la même chose aujourd'hui. Matthieu chapitre 1. Prenons Matthieu chapitre 1. Donc, les visions, le vrai problème, c'est que nos pensées sont tellement. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit parle de. On a besoin de le renouvellement de notre pensée. Si nos pensées sont renouvelées, le Saint-Esprit mettra son sceau lorsqu'il le voudra. Vous y êtes? Amen. Dans Matthieu chapitre 1, si vous lisez Matthieu chapitre 1, Matthieu, le chapitre 1, regardez très attentivement. Ah mon Dieu, j'aime cette parole-ci. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible déclare, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, devint enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils habitaient ensemble. Joseph, son époux, on dit donc que Joseph et son époux étaient un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Vous y êtes? Nous sommes dans Matthieu, oui. Chapitre 1, Amen. À partir du verset 18. Ok, parce que Amen. Votre silence est peut-être venant que la neige a versé. On est là. Ah, ok. Non, frère, on écoute. Merci beaucoup. C'est sucré. Voilà, c'est sucré. Linda, que Dieu te bénisse. Donc, la Bible déclare, donc voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. C'est ça, verset 18. Marie, sa mère, c'est Marie qui était la mère de Jésus, n'est-ce pas? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils habitaient ensemble. Donc, l'enfant est entré avant qu'ils habitaient ensemble. Puis on dit, Joseph, son époux, qui était considéré comme un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, on dit quoi, frère? La suite. Comme il y pensait, quand il pensait, il était dans la méditation. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Vous avez remarqué la façon dont on a mis, on n'a pas dit qu'en vision. Vous avez vu cela? On dit qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe. Voilà. Lui apparut en songe. Oui, frère, ça c'est nocturne. Voilà. Maintenant, on dit là, et lui dit, et l'ange va apparaître en songe et va lui donner les instructions en disant, Marie, Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. D'accord? À cet instant-là, quand Joseph s'est levé, son idée avait changé. Parce qu'il méditait comment il va faire, on va dire que j'ai couché avec cette femme, c'est avant de l'épouser. Les gens vont dire que ce n'est pas mon enfant. Je ne peux pas grandir comme ça. Et l'ange est venu. Au chapitre 2, vous y êtes. Chapitre 2. Au chapitre 2, à la naissance du Seigneur Jésus, Hérode va recevoir la visite des mages. pas des trois rois mages. Souvenez-vous de cela, c'est pas trois rois mages. C'est la sorcellerie des catholiques qui disent des choses comme ça. C'est les rois mages. La Bible parle des rois mages. On n'a pas donné leur nombre. Ni si un était noir, l'autre deux autres étaient rouges et bleus. La Bible déclare au verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales filles de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce que, qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adoraient, et ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode et regagner leur pays par un autre chemin. Vous voyez effectivement que ces mages-ci qui étaient des magiciens dont Dieu interdit, Dieu leur a donné également quoi? Des avertissements par des songes. Vous avez vu, n'est-ce pas? On ne parle pas des visions. On y va. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. N'est-ce pas si vous comprenez, mes frères? Mm-hmm. Oui, frère. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention. Quand il s'agit des songes, il faut qu'on fasse attention. Sinon, on va confondre les songes et les visions. Vous allez remarquer très attentivement que les ministères des prophètes sont liés aux visions. Le commun des mortels sur leur ministère est lié aux songes. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. J'ai pas bien compris. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est, je dis amen. Oui. Bon, moi, c'est ma question, c'était la comparaison entre vision nocturne et le songe. Oui. Et là, tout se passe dans la nuit. C'est comme ça que je veux un peu cette différence, quoi. Oui. Mais tu remarques donc maintenant qu'il y a des visions qu'on ça te passe directement dans la clairvoyance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu vois clair. Oui. C'est ça. J'ai compris déjà. Voilà. Le frère Pierre demandait qu'il n'a pas compris. Je disais donc en réalité, si vous regardez très attentivement, vous allez voir que la vision est attachée aux prophètes, au ministère des prophètes, alors que les songes sont donnés au commun des mortels. Amen, amen. Frère. Oui. La difficulté vient maintenant au niveau de l'interprétation. Parce que tous les passages qu'on a lus là, on voit que toutes ces personnes-là savaient exactement ce qu'il fallait faire quand ils se réveillent. Donc c'était tellement clair pour eux. Alors que nous aujourd'hui, on a vraiment la difficulté de savoir comment se comporter. Et parfois même, on ne sait même pas ce que ça veut dire exactement en fait. Parce que quand on voit le cas où l'apôtre Paul, il y a un Macédonien qui l'apparaît pour lui dire, il a compris tout de suite que c'est là-bas qu'il doit aller. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait peut-être tâtonné en disant, est-ce que c'est ça? Donc c'est ça notre véritable problème aujourd'hui en fait. Mais maintenant, je pose la question, est-ce que vous savez ce qui cause cela? Vous voulez savoir, mes frères et sœurs, pourquoi cela est causé ainsi? Parce qu'en réalité, nous confessions Jésus-Christ comme notre Seigneur, mais en réalité, la totalité de notre cœur et par conséquent, même notre pensée ne lui sont pas soumises. Amen, amen, amen. Je dis amen. C'est cela, mon frère. Et par conséquent, donc, comme les domaines ne sont pas soumis totalement à lui, remarquez très attentivement, toutes ces personnes que nous voyons dans la Bible, qui avaient des songes et des visions sans ambiguïté, étaient totalement dédicacées et dédiées au Seigneur, à la parole du Seigneur. 100%. Voilà, sinon cela. Or, maintenant, quand nous sommes départagés, chacun parlera. Donc, nous-mêmes, nous parlerons. Parce que dans la Bible, nous avons vu effectivement que des gens disaient les visions de leur cœur, des visions mensongères. Le cœur va te parler. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te parler des pensées. Les pensées vont te venir, tu vas développer. L'ennemi parlera, comme on a vu qu'il donne les visions. Et le Saint-Esprit parlera en réserve, en dernier lieu, parce que c'est lui qui est le dernier lieu relégant. C'est pour ça que le Seigneur veut totalement. Et c'est pour cela que dans les enseignements, je pose la question. Comment se fait-il que les disciples, et dans la Bible, on voit que les gens avaient des songes, ils savaient de façon claire ce qu'ils voulaient dire et que ça venait des dieux. Pourquoi avons-nous l'ambiguïté aujourd'hui par rapport à toutes ces choses-là? C'est à cause de toutes ces choses-ci. Nous avons laissé enfuir en nous des choses, des doctrines, des choses qui sont contre la parole. Or, l'esprit ne confirmera que la parole. Et il n'aime pas travailler dans la confusion. C'est donc pour cela que vous allez voir, quand le Seigneur vous nous appelle, première chose, il nous nettoie. Il nous appelle à part pour nous nettoyer. Nettoyer, nettoyer, pour que quand il parle, on discerne la voix. Si c'était l'apôtre Paul aujourd'hui, si c'était nous au moment où l'apôtre Paul a rêvé, puisqu'il est d'abord allé, le Saint-Esprit lui a dit clairement, n'entre pas en Asie. Il voulait aller en Bithynie, le Saint-Esprit a empêché d'aller là-bas. Et en dormant maintenant, c'est là où la vision vient. Il se lève. Personne parmi les apôtres ni les disciples n'ont posé la question que tu es sûr que le songe-là vient de Dieu? Il faut d'abord prier pour savoir si ça vient de Dieu. La Bible déclare qu'elles sont levées. Ils ont compris que Dieu les envoie là-bas à Macédoine. N'est-ce pas, mes chers frères? Exactement. Maintenant, si tu rêves comme tu as levé, si quelqu'un vient toucher maintenant la sœur Nafissa alors qu'elle est en train de dormir, elle voit comment elle est en train de lui donner le billet d'euro et le billet de banque. Elle va te dire, oh, pourquoi tu m'as rêvé? On me tendait l'argent. Mais si elle rêve que le cercle est en train de passer, tu voudrais voir comment elle bagarre sur le lit, elle bouge. Quand on le réveille, on s'est dit que merci beaucoup de m'avoir délivré. Vous voyez, on a des problèmes. On a des problèmes aujourd'hui. Donc, en clair, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons-y dans Philippiens chapitre 4. Comment faire pour avoir les songes, pour que notre esprit et notre cœur puissent recevoir les songes de Dieu sans ambiguïté? Philippiens, chapitre 4. Mon frère, excuse-moi, tu as dit comment faire pour avoir le cœur? Qui a entendu? 4. Un cœur totalement au Seigneur. Okay. Un cœur qui puisse recevoir des visions sans ambiguïté. Oui. Merci. Oui. Vous y êtes? Philippiens 4, oui. Verset 8, qu'est-ce que ça dit? Dès qu'on finit, là, on va dans le livre de Proverbes. Je vais vous montrer quelque chose. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Okay. Amen. Amen. Donc, si vous regardez très attentivement, vous allez remarquer que, d'après ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Daniel, nous avons lu Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 1, verset 17, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 4, nous avons vu clairement que les visions sont du domaine de la pensée et de l'esprit, n'est-ce pas? Oui. Et ici, le Saint-Esprit nous met en garde donc de ce que nous méditons et de ce que nous laissons traverser dans notre pensée. Alors la question c'est, honnêtement parlant, dans notre pensée, est-ce que devant ce que nous voyons devant nos yeux, ce que nous mettons et qui passe dans notre être pour que nous méditons dans nos pensées, est-ce que ça mérite l'approbation de Dieu? Honnêtement. Ce que nous mettons au quotidien et que nous laissons passer au travers de nous en y méditant, est-ce que ces choses-là que nous laissons traverser au travers de nous, est-ce que ces choses-là méritent l'approbation? Est-ce que c'est pur? Est-ce que ça mérite la louange? Quand quelqu'un passe le temps sur son téléphone à jouer le serpent, il joue le serpent. Il joue le jeu de serpent. Qu'est-ce qui va arriver la nuit, frère? Vous attendez qu'il reste quoi? Le cauchemar. C'est le serpent qui va vouloir le manger. Vous voyez les gens, vous voyez quelqu'un au bureau, vous dites, qu'est-ce qu'il a de fait? Il dit qu'il a de ses... de se distraire. Il dit, qu'est-ce que tu joues, ma soeur? Il dit, je joue Zuma. Zuma, c'est quoi? C'est quoi Zuma? C'est un crabe qui en a décraché quelque chose. Quoi? Quoi? Vous voyez effectivement qu'on a conçu un jeu de mensonge. Parce que la Bible parle là que c'est ça, c'est le mensonge. Le crapaud qui crache le mensonge. Le mensonge. Il dit, tan, tan, tan, tan. Ten, ten. Et là, il est en train d'accumuler le mensonge en lui sans s'en rendre compte. Le mensonge. Le mensonge. Et à un moment donné, on lui pose la question, tu fais quoi? Il ment. Il ne se rend pas compte que c'est le Jésus humain qui a de lui donner cela. Alors, lorsque nous passons notre temps à entretenir, souvenez-vous de ceci. Le cœur ne doit pas et ne peut pas rester neutre. Le cœur ne doit pas et ne peut pas rester neutre. C'est pour ça que dans le livre, ouvrez le livre, le proverbe, on va y aller maintenant, on va se balader là-dedans. Le cœur, siège et de l'habitation de l'homme en esprit, siège et de l'habitation de l'homme en esprit, c'est le lieu de conversation et de communication avec Dieu. Ce siège-là doit être entretenu, nettoyé, bien profané et bien sanctifié afin que le Saint-Esprit puisse y parler sans ambiguïté. Si notre cœur n'est pas bien entretenu, on aura des problèmes. Et ces problèmes, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Regardez très attentivement comment l'apôtre Paul parle. Dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et l'apôtre Paul dit donc dans ce Philippiens chapitre 3 que ce qui pour moi était comme de gain, je le regarde maintenant comme la boue afin de gagner Christ. Regardez très attentivement comment il a rejeté sa propre volonté. Comment il s'est dépouillé de tout ce qui pouvait faire sa gloire sur quelque plan que ce soit dans ce monde-ci. Comment le Saint-Esprit ne doit pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, nous avons nos problèmes. Nous avons nos choses que nous avons gardées sur le cœur. On dit à Dieu que non, mon business, ne tente pas de mettre la main dans mon business. Tu es le Seigneur, gouverne dans ma vie sans toucher mon business, ne touche pas mon compte en banque. Et Jésus dit, là où il y a votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc ce que vous chérissez là, votre cœur va méditer là-dessus. Prenez quelqu'un qui a 20 millions d'euros en banque et qu'on entend maintenant qu'il y a une crise économique. Vous m'entendez, qui parle là? Amen, t'entends frère. Amen. Donc, puisque quelqu'un a 20 millions en banque, vous allez voir comment la récession a fait l'état, c'est que certaines personnes se sont donné la mort parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils ont investi, tout ce qu'ils ont passé le temps à investir, leur vie, c'est fini. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils doivent être encore ici dans le monde. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché dans le matériel. Il y a des gens qui sont tellement attachés au matériel où, même s'il a 800 cuillères à la maison, il suffit que vous preniez une seule cuillère et cette personne commence à s'aigrir parce que son cœur est attaché au matériel. Cette personne est possédée par l'amour de l'argent. Il est possédé. Il a ce que la Bible appelle la cupidité. Or, le conflit qui est dans le cœur entre les voies vient du fait que nous avons admis et reçu en nous, dans notre fondation et dans notre vie, depuis la naissance, beaucoup de formations et beaucoup de choses qui ont été entachées et ont trouvé racine à l'intérieur. C'est donc pour cela qu'il nous faut le renouvellement de notre intelligence. Nous devons amener notre standard au standard de Dieu et accepter que Dieu nous dépouille. C'est pour cela que vous allez voir pêle-mêle dans le livre des Proverbes, il va demander à ce que notre cœur soit que notre cœur reçoive la parole, que la parole soit enracinée en nous. Vous voyez, dans le Proverbe chapitre 4, verset 4, prenons cela, le Proverbe chapitre 4, verset 4, qu'est-ce que ça dit? Souvenez-vous. Proverbe 4, verset 4. Verset 4. Le cœur ne doit pas rester non entretenu. Si vous restez, regardez très attentivement, vous savez de quoi essayer de parler. Vous restez tranquille comme ça, restez seulement tranquille 5 minutes, vous allez voir la musique chanter en vous. Vous allez croire que c'est une bibliothèque, une discothèque qui est en train de chanter quelque part, ça ne chante nulle part. C'est là-bas. Vous allez entendre Peace, Cuir et Fali Poupa chanter là-bas. Vous allez entendre pom pom pom dans votre esprit, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que la discothèque, quand il est là-bas, on a coupé le courant à l'extérieur, le courant ne se coupe pas à l'intérieur. Votre cœur va battre au rythme des musiques que vous avez eu à écouter. Or, voici quelqu'un qui se trouve là dimanche matin, il dit qu'il s'en va à l'église. Il finit de chanter pour Dieu. Il chante avec sa bouche. Il dit ses choses avec sa bouche. Mais quand il rentre, dans son téléphone se trouve des musiques mondaines où il met pour écouter. Il chante. Dans ce même téléphone se trouve des musiques, les louanges de Dieu. Il chante les musiques de Dieu. C'est-à-dire que son cœur est départagé entre le monde. Il y a une moitié pour le monde, moitié pour Dieu. Il finit d'écouter maintenant pour Dieu. Et vous entendez quelqu'un dire clairement qu'il y a un temps pour toutes choses. C'était le verset biblique. Il y a un temps pour fallait pour pas, un temps pour les louanges du Seigneur. Tu es possédé. Je vous le dis. Tu es possédé. Il faut que le cœur soit totalement à lui. Proverbe chapitre 4, verset 4. Il m'instruisait alors. Et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes, tu vivras. Amen. Vous avez entendu cela? Le verset 21 de ce livre de Proverbe, de ce chapitre 4, là, qu'est-ce que ça dit? Mon fils, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Vous avez entendu ça, frère? Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Permettez que le Saint-Esprit nettoie le cœur. Permettez seulement que le Saint-Esprit nettoie le cœur. Et que la parole soit puissamment semée à l'intérieur. Vous allez voir que vous devenez une des lettres vivantes de l'Esprit. Parlant de la part du Seigneur. Déclarant les oracles du Seigneur sans ambiguïté. Mais maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Pour bien saisir ceci, c'est ce que je viens de le dire. Pour ceux qui ont utilisé la lampe tempête, vous connaissez la lampe où on met du pétrole, vous qui avez habité en Afrique. Si vous prenez les lampes tempête, vous y mettez du pétrole. Vous allumez le feu sur le il y a un truc au milieu, vous appelez le comment on appelle cela? La mèche au milieu qui absorbe, voilà, merci Père, qui absorbe le pétrole qui est dans la lampe. Pour que la lampe brille, il faut que le pétrole soit imbibé seulement de sa propriété. Prenez maintenant deux lampes et vous y mettez dans l'une des lampes du pétrole pur et puis vous mettez du feu. Puis de l'autre côté, vous mettez du pétrole et puis là, vous y mettez quelques quantités d'eau. Et observez ce qui va se passer. Les lampes vont briller. À un moment donné, la lampe qui a de l'eau va commencer à faire pop. Il y a de l'ambiguïté. C'est le cœur qui est départagé, qui en même temps souvent peut recevoir de la lumière et en même temps recevoir des ténèbres. On ne doit pas avoir de mélange entre le pétrole et l'eau dans notre cœur. Amen. Pour que la lampe brille, pour que la lampe brille et constamment brille, il faut que le cœur soit nettoyé. Donc ici, dans ce Proverbe chapitre 4, le verset 23, il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et puis il dit le pourquoi il en est demandé de garder, car de lui viennent les sources de la vie. Donc tout ce qui pourra te produire dans la vie, soit en mal, soit en bien, à l'intérieur du cœur ça se trouve. Lorsque vous voyez quelqu'un prendre le couteau, tuer sa femme, tuer ses enfants, quelque chose est arrivé dans son cœur était possédé, au point où il ne se maîtrise pas lui-même. Vous voyez effectivement comment quelqu'un est dépassé de par des événements. Très souvent, vous entendez quelqu'un dire que je suis dans la dépression. Ce n'est pas sa tête qui est le problème, c'est à l'intérieur du cœur où ça se trouve. Dieu n'a pas demandé à ce qu'on garde le Seigneur plus que toute autre chose. Dans le livre de Luc au chapitre 21, le verset 34 et 35, le Seigneur dit, allons-y là-bas, dans le livre de Luc. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 21. Luc 21, 34 seulement. Ok, 34. Prenez garde à vous-même. Je crains que vos cœurs ne s'apaisantissent pas sur les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Merci frère, relis encore très bien pour que nous entendions. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent pas sur les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Amen. Donc nous voyons effectivement que il dit prenez garde. C'est la mise en garde ici. Et il dit, la mise en garde ici, il dit, notre condition, qu'on soit surpris par la venue de ces choses-là sur nous, et que nous soyons apaisantis, c'est-à-dire tombant dans le sommeil spirituel, c'est l'état de notre cœur qui est le problème. C'est ce qu'on a de nous enseigner ici. Il dit, prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès de manger et de boire. Donc on a parlé des gens qui passent le temps dans la fête. J'étais à tel mariage, j'étais en boîte de nuit, j'étais ici, il dit, prenez garde. Parce que si on entre à l'intérieur, le cœur va se mettre sur les choses du fait. Et il dit, comment? Les excès de table. Oui, les excès de table. C'est vous qui organisez, n'est-ce pas, Hélène? Donc, vous voyez effectivement que le simple fait que vous pensez au manger, quoi, au caviar et autres, le simple fait comme ça, votre cœur peut vous éloigner du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Bon, amen. La France dans la sainteté, on va entamer quelque chose maintenant. Écoutez très attentivement. On va entamer quelque chose maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Vous tous qui m'écoutez, préparez-vous à partir du 15 avril. Nous allons prendre un mois de jeûne où on a travaillé sur. Amen. Nous allons travailler dans le jeûne sur l'état de notre cœur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu. Amen. Amen. Préparez, amen, vos, amen. Préparez donc votre cahier ou bien des pages via de votre cahier. Vous soulignez là-bas. Vous soulignez quelque part. 15. À partir du 15 avril, donc 15. Un mois de jeûne. Un mois. Amen. Durant, amen. Durant ce un mois, nous allons travailler avec les livres de Jérémie et de Osée. Ces deux livres-là. Amen. Un mois de jeûne. Et le but de ces jeûnes, c'est de remuer nos cœurs pour en sortir des mauvaises choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Ce qui va sortir, ce qui va sortir de ces cœurs-là sont des choses douloureuses. Des choses douloureuses. Des choses le livre de... du prophète Jérémie. Et le livre du prophète Osée. Donc, on va lire cela, on va travailler là-dessus. Donc, les dimanches, aux environs de durant ces périodes-là, Dieu voulant, on doit y revenir et travailler en profondeur concernant ce thème-ci, cet état de cœur-là. On va travailler, on va extirper tout ce qui est enfoui en nous de mauvais. Parce que vous êtes surpris que quelqu'un se met à côté de vous, il est en train de vous parler, peut-être en parlant en mal, peut-être en vous dénigrant. Subitement, vous sentez la colère monter en vous. Vous avez cette vise-là de lui répondre avec adresse pour lui faire aussi du mal. Ah frère, ça ne doit pas être comme ça. La Bible déclare que votre douceur soit reconnue de tous. Le Seigneur est proche. Amen. Maintenant, amen. C'est déjà des douceurs si on ne doit pas vous attaquer. Vous faites, il me mord le doigt comme les psychologues font. Que si ça ne va pas, attrape un endroit, vous appuyez. Tu as de cacher la bombe, c'est la bombe que tu as de mettre dans ton cœur. Il faut que ça sorte. Amen. Amen. Amen. Donc, toutes ces mauvaises choses qui se trouvent dans notre cœur, je crois que nous avons travaillé sur la méditation et la prière par l'esprit. Cette voix-ci qui est en train de parler, lorsque ces choses seront extirpées, quand vous aurez les visions, vous allez voir des choses clairement. Vous aurez des sons, vous allez savoir de quoi il est question. Puisse le Saint-Esprit seulement extirper de nos cœurs tout ce qui ne glorifie pas. Amen. Amen. Amen. Donc, rappelez-moi, dimanche prochain, plaise au Seigneur, on va bien travailler sur ce thème-ci pour bien nous introduire et nous préparer à bien y entrer. D'accord, mes chers? Amen. Amen. Donc, de la même façon comme le cœur, la voiture est le moteur qui conduit toute la voiture, de la même façon, le cœur est le moteur de notre corps. Et c'est ça le centre même de notre être tridimensionnel. Vous allez lire la Bible, on va confondre à un moment donné dans le cœur à l'âme, le cœur au sang. Vous allez remarquer maintenant qu'on va confondre nous-mêmes le cœur à la pensée. Donc, fais attention avec le cœur. Dieu nous révèle dans ce livre de Proverbes au chapitre 4 que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que si les sources de la vie viennent de là-bas, imaginez par exemple vous qui avez les sources d'eau où vous puisez des choses. Si cette eau là où vous allez puiser est empoisonnée, ou n'importe quoi que vous allez sortir de là, ce sera du poison et sera contaminé, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, vous êtes partant parce que c'est un mois déjà, nous puissions travailler véritablement avec le Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère. Mais soyez vrai, parce que depuis quelques jours, je suis en train de prier. Je ne sais pas dans quel groupe ces choses se trouvent. J'attends que le Seigneur me révèle dans quel groupe ça se trouve. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un des groupes, dans un des groupes, dans la sainteté. Je suis en train de suivre la personne jusqu'à ce que le Seigneur me montre de qui il est question. Je ne dis pas plus par rapport à cela. Soyez vrai avec le Seigneur. Soyons vrais avec le Seigneur, sachant que tout ce que nous faisons en cachette, Dieu voit cela. Amen. Parce que quand ça va arriver, si je détecte la personne, il veut parler audiblement en citant la personne et ce qu'il en est. Donc soyons vrais. Il ne veut pas. Nous sommes là pour nous édifier afin qu'on soit parfait pour l'enlèvement. C'est le Amen. Plus qu'on sera enlevé. Il ne faut pas laisser qu'un grain puisse entrer. S'il y a n'importe quoi en privé que ça ne va pas, contactez-moi, on travaille cela en privé jusqu'à ce que ne permettez pas qu'une racine d'amertume et une racine d'obscurité puisse demeurer en vous. Si vous avez du mal à vous débarrasser de quelque chose, voyez-moi en secret. Ne pratiquez pas quelque chose de louche derrière. Sinon, je vais le dire clairement devant tous et ça pourra choquer. Donc, évitons ces choses-ci. J'attends seulement que le Seigneur me dise de quoi il est question. Alors, donc, nous allons travailler dans ce domaine-ci pour que les songes désormais qu'on n'a pas d'ambiguïté. Parce que si, imaginez que nous nous connectons comme ça et que les gens ont des révélations. Comme la Bible déclare que le prophète Ézéchiel était assis devant les gens comme ça et des visions lui sont venues. Il pouvait donc aider maintenant les gens, sachant qu'à Jérusalem, il y a de l'idolâtrie. Si nous avons ça aujourd'hui, vous allez quelque part où il y a des visions claires, les gens vont éviter le péché. Parce qu'il faut savoir que s'ils vivent dans le péché, on va les voir. Pas vrai, mes sœurs? Exactement. La Bible donc dit donc que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous voyez, chacun peut se livrer n'importe comment. Mais lorsqu'il y a ces choses-là dans l'église, chacun va commencer à vivre dans la crainte du Seigneur. Puisse le Seigneur donc déverser ses grâces pour avoir des visions sur des jeunes gens et que des filles ont des songes comme il a programmé dans l'église. Et ça va arriver. Ça va arriver. Préparez-vous. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Donc, frère. Oui. Frère Junior. Oui, mon frère. Il y a mon épouse. Autrefois, le Seigneur l'utilisait par la prophétie. Oui. Et la vision à la fois. Oui. Bon, un moment donné, elle était tellement découragée à cause de, comment on appelle, de bac, tout ça, ses inquiétudes. Oui. Et elle avait demandé à Dieu qu'elle ne veut pas que Dieu enlève la prophétie. Mmh. Et effectivement, Dieu a enlevé. De ce jour, elle ne prophétise. Elle ne prophétise pas. Oui. Et pour moi, comme je l'ai déjà épousée, tu veux que la prophétie revienne, quoi? Oui, comme le Seigneur est en train de nous donner la famille, parce que la prophétie, c'est très important. Oui. Ben, dis et là, moi, souvent... Dis alors que chérie, s'il te plaît, oui? Je veux que la prophétie la revienne encore, pour que ça nous protège, quoi. Donc, comment... elle s'est repentie quand même. Elle s'est repentie. Non, ça va revenir. Ne t'inquiète pas. Souvenez-vous, les dons et les appels sont irrévocables et sans repentir. C'est seulement une pause. Mmh. Comme vous voyez sur l'écran, la sœur Rosine a mis pause parce qu'elle en a reçu l'appel là. C'est seulement une pause. Il suffit seulement que Dieu déclenche ça. Ça va reprendre. D'accord? Ça va reprendre. Demande à ta femme particulièrement de rentrer dans ce jeune, ce qu'on va faire. Tu vas voir des choses terribles. D'accord, mon cher frère? Ça, c'est du côté de la Chine. Amen. Parce que la zone dans laquelle vous habitez, attendez la Chine là maintenant. La zone dans laquelle vous habitez se trouve dans les Chinois sorciers. Il y a de la sorcellerie claire dans votre zone. Je parle du côté de la Chine là. Oui. Il y a de la sorcellerie là-bas, des confréries de sorcellerie. Avec des esprits terribles, des animaux. Oui, quelqu'un m'appelait de ce côté-ci. J'aurais souhaité parler même plus. Oui. Oui, c'est Chantal. Chantal. Oui. Oui. Je suis un peu confuse là. Est-ce que. Je ne sais pas, les femmes prophétisent, je ne sais pas. Oui. Acte des apôtres, Chantal, prends ta Bible dans Acte des apôtres. Acte des apôtres. Mm-hmm. C'est mieux que l'écriture elle-même puisse enlever de l'esprit de Chantal la confusion. Les confusions. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Chantal, si tu y es, tu nous dis. D'accord. Acte des apôtres. Bénie. Mm-hmm. Elle y est. Comment tu as encore? Alors, en patient. Donc, je parlais, dès que tu vas trouver, tu nous fais signe. J'ai parlé de la. Acte des apôtres. Ok, tu es chapitre 21. Chapitre 21. Lis le verset 8. Alors, le verset 8 nous révèle que nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entré dans la maison de Philippe, évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui se couvaient. Voilà. Merci. Amen. Merci. Alors la sœur Chantal, dis-nous, pose ta question et puis je réponds maintenant. Allons-y. Tu es dans la confusion? Non, ça va. Ok, donc la révélation de ces paroles effectivement est claire, n'est-ce pas? Vraiment, j'ai une question par rapport à ce verset. Oui, plus de personnes. Oui, rentrons en Chine, la personne de Tissan revient vers toi. Ok. Vas-y, mon frère. J'ai dit, si elle a posé cette question, c'est parce que beaucoup de têtes des gens, c'est que la personne qui prophétise, c'est absolument la personne là qui tient, comment on appelle, le micro pour prêcher, pour donner de la prophétie. Mmh. Et c'est comme ça que les gens peut-être pensent à ces genres de prophéties comme ça. En tout cas. Bon, continuons. Les vrais prophètes, quand on voit, c'est des gens qui dénoncent beaucoup plus les péchés, la vie, ça veut dire la vie des gens, travaille la vie chrétienne des gens, le cœur surtout. Mmh. Moi, c'est ce que moi j'ai connu des vrais prophètes, c'est là. En tout cas, aujourd'hui, il y a des prophéties, maintenant que tu auras la voiture, tu as 4 en arrière, ainsi de suite. La sœur Laetitia pose une question par rapport à cette prophétie-là. Oui. Je voulais savoir pour que une femme prophétise, elle doit obligatoirement être vierge. Bon, ou n'avoir connu qu'un seul homme. Si c'était la condition, mais qu'est-ce que tu vas faire le message à celle-ci? Non, je voulais savoir. Okay. Moi, je ne suis pas prophète, en tout cas, prophétesse. Ok. De toute façon, on ne parle pas de prophétesse là-bas, d'accord? On ne parle pas de prophétesse là-bas. On parle de quelle prophétiser. On donne seulement le renseignement. Quelle prophétiser. Le don. Voilà, c'est le don des prophéties. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et c'est ça, là, c'est tout l'amalgame maintenant au milieu de l'église. Tellement, on a été mal enseigné au point où si quelqu'un, le Saint-Esprit utilise quelqu'un pour donner une prophétie, directement, on l'appelle prophétesse et on l'appelle prophète. Vous avez déjà aujourd'hui, tout le monde est appelé prophète parce qu'il commence à dire quelque chose. Or, même dans les prophéties, il y a des choses qui viennent de la parole des connaissances. C'est-à-dire que le Saint-Esprit met la pensée sur, dans ton cœur, il dit quelque chose concernant la personne et on appelle ça prophétie, qui est différent même des paroles de prophétie. Donc, et beaucoup de choses non sont dites dans l'église aujourd'hui. Donc, lorsque les gens prennent des prophétesses aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un au milieu de l'église, on l'appelle prophétesse, elle a un problème, il lui faut la délivrance. Et délivrance de la même personne aussi, c'est à cette personne qui l'appelle prophétesse. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 1, non, si nous prenons chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 17, verset 14, lorsque l'église a reçu la première visitation du Saint-Esprit, les gens commencent à se moquer que ces gens sont ivres. Et puis l'apôtre Pierre va se lever au milieu. Il va dire que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la 9e heure. C'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez cela? Ça, il s'agit des dons de grâce. Par exemple, il dit que vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes, comme on a vu là tout à l'heure. Oui, sur mes serviteurs, sur ma servante, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Donc, ici, il s'agit des dons des prophéties venues par le charisme de grâce, de l'esprit. Or, c'est différent du ministère des prophètes. Le ministère des prophètes a son esprit constitué depuis la naissance comme étant prophète. Alors que ici, ce sont les êtres humains que le Saint-Esprit transforme et l'utilise pour leur transmettre de temps à autre les messages comme il le veut. Ça veut dire que le don spirituel de la prophétie ne fait pas de quelqu'un le prophète. Exactement. Amen. Exactement. Amen. Et frère, on va remarquer que toutes ces femmes-là, parfois, qui prophétisent, elles sont toujours en train d'entrer en transe, en fait. Comme si le Saint-Esprit a toujours besoin de te secouer fortement pour qu'une parole vienne, en fait. En fait, le Saint-Esprit moderne donne le palais aux femmes. Des questions? Amen. Oui. C'est pour ça qu'elles tremblent comme ça. Ça donne épilepsie. Palais de petits, mon frère. L'épilepsie. Donc, du coup, si tu prophétises calmement, c'est comme s'il n'y a rien, en fait. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait un truc ensemble, ce n'est plus toi, en fait. En réalité, quand tu parles même de la part du Seigneur, on ne sait même pas si c'est lui qui en est de parler. Il faut que tu fasses comme ça que je sens la chair de poule. Je sens la présence du Seigneur. Avant que tu dises ainsi parle le Seigneur, vous parlez. Écoutez seulement sa voix. Écoutez seulement sa voix. Des questions, mais le frère qui cherche, tu n'as pas posé des questions aujourd'hui, tu as été délecté seulement. S'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, c'est le ministère de prophète qui est attribué uniquement aux hommes. Et le don spirituel de prophétie, ça peut être des hommes ou des femmes. C'est ça, les gars. C'est ça bien. Merci pour l'éclaircissement. Que Dieu nous bénisse. J'aurais souhaité m'étendre davantage sur cette histoire des songes et des visions. Frère? Oui, mon frère. Mon frère? Oui. Allô? Oui, frère Yannick. Je ne sais pas si tu as fini avec le sujet des songes et des visions, parce que moi, c'est un autre. Je reviens à autre chose, en fait, ce qui n'a rien à voir avec ça. Même si tu prends le virage à 120 degrés, on va te suivre, frère, pourvu qu'on ne fait pas l'accident. Allons-y. Non, en fait, j'étais dès le départ, lorsqu'on a lu Apocalypse 12, là, concernant le combat qu'il y a eu dans le ciel entre l'ange Gabriel et les... Non, l'ange Michel. Et le diable. Michael. Là, Michel, oui. Mm. Et tu as dit que ce n'était pas encore arrivé, c'est bien ça? Oui, exact. Bon, qu'est-ce qui s'est donc passé à l'origine lorsque Satan fut-il proche du Seigneur avant d'être déchu? Voilà. Est-ce qu'il a été chassé deux fois? Enfin, parce que là on dit qu'il a été chassé sur la terre. Est-ce que ça s'est produit deux fois? Puisque ça s'est pas encore produit. Il se trouve sur la terre. Il se trouve sur la terre. Est-ce que tu vois le malheur sur la terre? Il y a du malheur sur la terre. Oui. Il y a toujours eu du malheur, même au temps de Jésus que les gens mouraient, il y avait des maladies, n'est-ce pas? Et Jésus était là au milieu. Donc on a un problème ici. Parce que lorsqu'il est expulsé dans cet Apocalypse chapitre 12, on dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Vous voyez effectivement que maintenant il n'est pas en colère. Il donne le bien aux gens, aux francs-maçons, il donne au président, il le distribue à qui il veut. Donc ce n'est pas encore comme vous. Vous voyez cela? Il distribue le bien. Et cela a été de lui, a été donné. Il discute avec Jésus que cela lui a été donné. Il le donne à qui il veut. Donc ce n'est pas encore l'époque là-bas. Là maintenant il n'est pas encore en colère. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère. Oui. Frère. Allô? Oui. Frère. Oui. Si. Oui, corrigez-moi si je me trompe. Donc, lorsqu'il a été déchu à l'origine, il est tombé à un degré de ciel c'est en dessous. Ça veut dire que tu as bien compris. Il y a le ciel des dieux, le ciel où les archanges ont leur demeure et parce qu'il était. Quoi? Il avait les ailes déployées. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 32 que par le bruit de ta chute, la terre a été consolée. Remarquez très attentivement, on dit qu'il était dans le jardin, il était parfait en beauté. D'accord, mon cher frère? Maintenant, avant cela, il avait la domination. La domination au point où, on dit, des tambourins étaient à ton service pour le jour où tu fus créé. Jusqu'au jour où l'iniquité s'est retrouvée chez toi. Donc, ça veut dire qu'il a été expulsé du ciel de Dieu, de la demeure des lumières, au point où il s'est retrouvé maintenant dans les sphères inférieures de la terre. De quoi? Du ciel. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, en lisant le livre des Éphésiens au chapitre 2, versets 1 et 2. Prenons cela. Lisons maintenant cela. Je crois qu'à ce moment-là, le micro est dérangé. J'aurais souhaité justement m'éteindre là-dessus pour bien expliquer cela. Allô? On est où, frère? Chapitre 2 d'Éphésiens au verset 1 et 2. Chapitre 2 d'Éphésiens. Oui. Verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Je lis au nom du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc vous voyez effectivement que ici, Lucifer est appelé le prince de la puissance de quoi? De la puissance de l'air, de l'esprit. Non, la puissance de l'air, virgule. La puissance de l'air, c'est l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est celui qui règne dans l'air. Au chapitre 3, verset 10, afin que les dominations... Allons-y. Chapitre 3, verset 10, rapidement. Chapitre 3, verset 10, dit... Alors... C'est pourquoi les dominations... Non. Et les autorités dans les lieux célestes attends, connaissent aujourd'hui. Attends. Relis c'est encore. Pour. Doucement. Allons-y. Voilà. Allons-y maintenant. On est dans Éphésiens chapitre 3. Verset 10. Verset 10. Oui. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Vous remarquez très attentivement que ici on dit que les autorités, les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Maintenant, allez au verset 1, verset 3 du chapitre 1 d'Éphésiens, vous allez voir quelque chose. Regardez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Donc il y a des lieux célestes en Christ. C'est-à-dire là où Christ règne et des lieux célestes où c'est Lucifer qui contrôle. Exactement. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Allons au chapitre 6. Frère, excuse-moi deux secondes. Et d'où vient alors cette révélation où les gens disent qu'il est dans la mer, si c'est à quel niveau il peut aller n'importe où. Le président de la République française siège à l'Élysée. Mais ça n'empêche pas qu'il parte à Strasbourg. Il peut se promener, aller même à Toulouse. Mais il a son siège quelque part. Allons-y dans le chapitre 6, verset 11 à 12. Allons-y, frère. Chapitre 6. Satan, c'est un sans boy. Quand vous lisez Job, chapitre 1, vous avez vu comment il dit à Dieu qu'il s'est promené lui sur la terre, non? Il battait en boîte. Il rentre. Alors, allons-y, chapitre 1, verset... c'est quel livre déjà qu'il est dit? Chapitre 3. Chapitre 6. Éphésiens. Voilà, chapitre 6, verset 11 et 12. Chapitre 6, verset 11 et 12. Oui. verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc voilà les esprits méchants. Ça veut dire que si ces esprits méchants se trouvaient sur la terre, on serait fini. Ces catégories-là, parce que la dernière catégorie, c'est le plus méchant, c'est le plus terrible. Donc ils sont encore dans les lieux célestes. Donc après avoir délogé dans le compartiment du Seigneur, ils ont pris refuge quelque part. Et la Bible déclare qu'ils sont enchaînés. Allons-y dans le livre de Jude. Jude. Notez le livre de Jude et puis le livre de 2 Pierre. Jude. Pas juge. Jude. Le livre qui touche avant Apocalypse. Vous y êtes? Je dis. Verset 3 à 8. Verset 3. Bien-aimé. Qui lit alors? Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu, en dérèglement, et qui renient notre Seigneur, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors, mon frère, on dit quoi des anges là? On dit que les anges, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Les trucs contre nature, attends. Ils ont abandonné leur demeure. Et on dit quoi d'eux? Quand on les a fait comment? Ces livreurs à des débauches. Ils ont été enchaînés. C'est, gardez-vous à l'esprit cela. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Oui, ça c'est ce qu'ils ont fait. Où est-ce qu'ils sont? Regardez bien, lisez encore. Ils ont été enchaînés. Enchaînés avec quoi? Les chaînes du feu éternel, je crois. On a formé le feu avec les chaînes avec le feu. Mais lisez, non? Tu viens de lire, Fred. Comment tu regardes encore comme ça, comme c'était le maïs grillé? Ils ont été enchaînés par la rêverie. On a comment ma soeur Kessia? Au verset 8, oui. Qu'ils ont été enchaînés par leur rêverie. Oui. Je lis tout. Lis alors. Malgré cela, ces hommes aussi. J'ai confondu enchaînés. Entraînés. Ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Où se trouvent ces anges-là? Maintenant, allons dans le livre de 2 Pierre. Je crois qu'avec 2 Pierre, ça va vous être utile. Lisez du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est le verset 4 de 2 Pierre 2 qui nous intéresse. On n'a pas encore trouvé deux pieds depuis aujourd'hui, mes frères. Verset 4 dit. Non, lis le verset 1 jusqu'au verset 4. Parce que si je prends le verset 4, on ne comprendra pas. Verset 1 jusqu'au verset 4. Verset 1, 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement les sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, où est-ce que les anges, ces gens se trouvent? Dans la Bible des ténèbres. Voilà. Donc, en réalité, dans l'espace que vous appelez, que la Bible appelle les lieux célestes, c'est leur prison. Mais pourtant, ils sont dans l'espace, ils sont en train de marcher comme ça là. Ils sont enchaînés là-bas. C'est vrai, on dit que, vous savez, quand on met les gens, quelqu'un sur, vous appelez ça liberté conditionnée ou bien une maison surveillée, en résidence, quand on assigne quelqu'un à résidence surveillée. C'est comme ça que ça se passe. Alors, la soeur, ton téléphone, ton micro, en train de faire revenir l'écho. Allô, Cosmo. Les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es béni des guéris, tu es tout puissant, tu es les mouvements. Pour écrire la grandeur de Dieu, les mots de vent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es réveillé à moi en me guérissant. Si tu es médecin, il sait pas tout. Quand l'ennemi hasard se comparer à toi et mon amour pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Peut nous préserver de toucher.